force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dieu est fidèle, mon frère. Lorsqu'il te donne une promesse, tu dois avoir la certitude qu'elle s'accomplira. Ce que tu dois faire, c'est de persévérer. Ne regarde pas autour de toi. N'écoute pas les décourageurs. Dieu accomplira sa promesse. Persévère dans la prière. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille tes voisins. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous poursuivons notre étude du psaume 27. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 27 du verset 7 jusqu'au verset 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc psaume 27, 7 à 14. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et de gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de cette deuxième partie du psaume 27. Première vérité, cherchons la face de Dieu lorsque nous nous sentons abandonnés. Je veux parler à une jeune fille. Tu sens comme si tes parents t'ont abandonné. Il n'y a personne pour t'aider dans tes études. Il n'y a personne pour t'aider dans tes charges, pour payer même tes habits. Tu ne dois pas te livrer à la prostitution à cause de ça. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu dois t'attacher à Jésus. Lorsque tu te sens abandonné, lorsque même tes parents t'abandonnent, ton père peut t'abandonner, ta mère même peut t'abandonner, même lorsque ton père ne te reconnaît pas comme sa fille. Mais confie-toi à l'Éternel. L'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Au verset 8, David dit, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Il explicite sa pensée au verset suivant, le verset 9, par cette requête négative à trois dimensions. Il dit, « Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Ne m'abandonne pas. » Lorsque quelqu'un prie de cette manière, ça veut dire qu'il sent que le seul recours, c'est seulement Dieu. Il affirme que même si son père et sa mère l'abandonnaient, il avait confiance que Dieu ne l'abandonnera pas. Au verset 10. Oui, il arrive que ceux qui sont les plus proches de nous, à savoir nos parents, nos amis intimes, nous abandonnent. Surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Par exemple, toi qui travaillais, tu es maintenant chômeur, tu souffres d'une maladie dite incurable. Les gens peuvent t'abandonner. Lorsque tu vis des poursuites judiciaires, je vais dire à quelqu'un, maintenant, tu es enfermé quelque part dans un cachot, tu es enfermé quelque part dans une prison. Et maintenant, tu t'attendais à ce que même les gens que tu aidais viennent te voir. Personne ne vient te voir. J'aimerais te dire que tu es en train de traverser des moments où le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Tu vas sortir de ces problèmes. Tu vas sortir de cette prison. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Joseph était incarcéré en prison, mais il était incarcéré injustement parce que la femme de Potiphar voulait faire de lui son gigolo, son petit mari, mais lui l'a refusé et on l'a jeté en prison. Mais Joseph savait que l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec toi, même si tu passes par des moments difficiles, il va te fortifier, il va te soutenir là où tout le monde t'a abandonné. Mais lui ne va pas t'abandonner. Il va te délivrer la situation. Et quand tu vas sortir de cette situation, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas t'attacher à lui. David dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne peut pas m'abandonner. Même Jésus, dans son humanité, a senti l'abandon du Père. Jésus a souffert la croix de Golgotha. Jésus a passé des moments difficiles. Pendant sa passion, les plus proches l'ont abandonné. Tous ses disciples presque l'ont abandonné. En commençant par les plus proches, son trésorier, Judas Iscariote, celui qui l'a même vendu. Je parle à quelqu'un. Tu souffres parce que c'est ton ami intime qui est même dans les complots que tu vis. Aujourd'hui, on t'a chassé de ton travail. C'est celui-là même qui est ton ami, qui était dans le complot. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas t'abandonner. Judas, c'est lui qui a vendu Jésus. Pierre, c'est lui qui a dit que même si tout le monde t'abandonne, moi je ne peux pas t'abandonner. Oui, il a abandonné Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cette promesse divine revient aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dieu dit ceci dans Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui, mon frère, Dieu te dit encore, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je veux parler à une femme. Oui, tu es enceinte d'un garçon qui ne veut même pas venir à ton aide. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. N'aie pas peur, tu vas accoucher. Le Seigneur lui-même va t'aider à prendre soin de cet enfant. Quand bien même une femme qui allait son fils pouvait l'abandonner, l'Éternel dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il pose une question dans Ésaïe 49, versets 14 à 15. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est pourquoi quand tout le monde t'abandonne, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'approcher de Jésus dans la prière, lui faire confiance parce que lui, il ne va pas te délaisser. Lui ne va pas t'abandonner. Deuxième vérité, demandons à Dieu de nous enseigner et de nous conduire pendant l'adversité. Quand tu traverses des moments difficiles où les gens complotent contre toi, où les gens combattent contre toi, je parle à une sœur, toute ta belle famille s'est dressée contre toi parce qu'ils ne veulent pas te voir avec leur fils. J'aimerais te dire, tu dois tout simplement demander à Dieu de te soutenir et de t'enseigner. Souvent, c'est pendant les moments difficiles que Dieu nous enseigne. Quand on parle de l'école de Dieu, là, ce n'est pas une école où on étudie comme à l'école, on dit on fait BTS, on fait licence, CM1. Non, l'école de Dieu, là, c'est une école d'épreuves. C'est à travers les épreuves que Dieu nous enseigne. Est-ce que tu comprends? Toi qui vis des moments difficiles, tu dois demander à Dieu de t'enseigner. C'est ce que David dit dans ses psaumes. David a compris que Dieu peut se servir de l'adversité pour l'instruire et pour l'enseigner. C'est pourquoi il fait cette prière. Éternel, enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. C'est au verset 11. Oui, tu dois demander au Seigneur, quelle leçon tu veux m'apprendre? Oui, avec mon échec. Tu peux connaître un échec, tu peux être un jeune étudiant, une étudiante, tu es très brillante. Mais arrivé aux examens, arrivé au concours, tu n'es pas admis, tu n'es pas admise. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligente, c'est Dieu qui veut t'enseigner. Pour certains, Dieu veut briser. Peut-être que tu te sens orgueilleux, tu es rempli de toi-même, tu comptes sur toi-même. Dieu veut te façonner, il veut te briser, afin que tu apprennes à compter sur lui. Tu dois demander à Dieu, enseigne-moi. Lorsque par exemple, tu es fiancé à un garçon, à une fille, et que à quelques mois du mariage, la personne te délaisse, la personne t'abandonne, Dieu veut t'enseigner. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas ta pointure. Quand tu chausses par exemple 38 et que toi tu veux porter maintenant 36, ça va te serrer, ça va te faire mal, ce n'est pas ta pointure. Dieu veut t'apprendre. Quand tu vois les déceptions, c'est que Dieu ne veut pas que tu te maries avec ce monsieur, avec cette dame, même si ça te fait mal. Prie Dieu pour qu'il t'oriente à quelqu'un d'autre. Prie Dieu pour qu'il t'oriente envers quelqu'un d'autre. Dieu nous conduit pendant l'adversité. David constate dans ce psaume que des faux témoins s'élèvent contre lui. Mais il espère en sa bonté. Il espère en la bonté de l'Éternel. Joseph a compris que Dieu s'est servi de l'adversité de ses frères pour son élévation en Égypte. C'est pourquoi il leur dit ceci. Je sais que vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Parfois, lorsque les gens te combattent, les gens complotent contre toi sans le savoir. Ils cherchent à nuire à ta vie, mais sans le savoir, ils sont en train de te propulser vers l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas permis que les frères de Joseph les vendent, il n'allait pas arriver en Égypte où il est devenu premier ministre. Vous voyez, ça c'est l'école divine. C'est l'école de Dieu. L'école du brisement où il nous fait passer par des épreuves. C'est pourquoi tu dois dire, Seigneur, enseigne-moi. Aide-moi à tirer de des leçons. Parce que je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque les gens veulent te faire du mal, Dieu est capable de les changer en bien. Même un échec que tu as connu, Dieu est capable de les changer en bien. Même un refus de visa que tu as connu, Dieu est capable de les changer en bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite la louange. Notre Dieu mérite l'adoration. C'est pourquoi je te demande, toi qui m'entends, d'élever ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Même pour les situations difficiles qu'il permet dans ta vie. Prions. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, qui est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous prions en nous inspirant sur la parole de Dieu, les écrits sacrés. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie du psaume 27 qui nous sert de base pour nos prières. C'est le psaume 27 du verset 7 jusqu'au verset 14. Vous pouvez partager OSB par WhatsApp avec des amis partout dans le monde, pourvu qu'ils soient connectés sur Internet. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que nous devons chercher la face de Dieu quand nous nous sentons abandonnés, parce que lui, il ne peut pas nous abandonner. Nous allons prier pour que Dieu fortifie, console tous ceux qui se sentent abandonnés, tous ceux qui se sentent trahis, même par leurs proches, afin qu'ils puissent s'attacher à Dieu, que Dieu les fortifie, que Dieu les fortifie, afin qu'ils soient toujours serein, qui se sent toujours aimé de Dieu. Prions le Seigneur. Oh Dieu, ce matin nous te rendons grâce, ce matin nous te bénissons, ce matin nous te glorifions. Merci Père éternel, parce que chaque fois que nous avons crié à toi, tu nous as écoutés, tu nous as délivrés de toutes nos frayeurs. Ce matin, nous nous tournons une fois de plus vers toi et nous prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui se sentent abandonnés, pour tous ceux qui traversent des moments de difficulté, des moments d'incompréhension. Nous demandons au Père éternel que tu manifestes ta bonté et ta miséricorde à leur égard, que tu viennes à leur secours et que tu les délivres de toutes leurs frayeurs. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui sont abattus, pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, viens à leur secours et accorde-leur le repos. Nous disons merci, Père éternel, pour ta bonté et ta fidélité. Nous prions au Père éternel pour nos frères, pour nos sœurs qui nous écoutent en ce moment et qui ont envie d'abandonner, qui sont là, qui ont attendu pendant longtemps et qui sont découragés. Père, renouvelle leur force. Ta parole déclare que ceux qui se confient en toi ne sont point confus. Ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Délivre-les de toute forme de confusion. Renouvelle leur force. Père, fais en sorte qu'ils aient la joie dans le cœur. Fais en sorte que leur espérance soit une espérance vivante. Nous prions contre tout esprit de confusion, tout esprit de découragement, tout esprit d'abattement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Père, et nous te glorifions pour les prières qui sont exaucées. Toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour les femmes qui sont abandonnées par leur mari. Ces femmes qui sont délaissées. Certaines ne savent même plus nouer les débuts du mois. Il y a ceux qui sont abandonnés avec des enfants. Ces enfants-là, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Nous allons prier pour toutes ces femmes, que Dieu les soutienne, afin qu'elles puissent s'attacher au Seigneur, au nom de Jésus. Et prions pour les maris qui ont fui les toits conjugales, ou même pour des femmes qui ont fui aussi, que le Seigneur les ramène à la maison, au nom de Jésus, afin que le foyer encore soit ressoudé, que les tissus familiales soient encore ressoudés, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. Éternel notre Dieu, encore nous venons à toi parce que nous sommes en train de voir tes merveilles sans fin, tes bénédictions sans nombre. Nous sommes en train d'être visités par ta grâce, par ton amour, la vie que tu nous accordes en Christ. Cela mérite la célébration de nos cœurs. Nous sommes reconnaissants pour ce nouveau mois. Nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle semaine. Nous sommes reconnaissants parce que malgré tout, tu nous accompagnes dans cette saison de rentrée scolaire. Merci papa pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire dans notre vie. Nous sommes encore là ce matin pour te dire infiniment merci parce que tu ne fais rien au hasard. Et parmi nous, beaucoup de femmes sont abandonnées, sont délaissées. Beaucoup de femmes sont rabrouées par la belle famille à cause de la mort de leur époux, à cause de la mort. Et aussi, beaucoup de femmes sont délaissées à cause de ce que l'homme a trouvé un autre foyer, est parti de la maison. Et cela entraîne des difficultés avec ses enfants. Et nous te demandons, papa, de fortifier ces femmes, d'aider ces femmes à scolariser leurs enfants. Tu es le Dieu qui pourvoit. Nous t'appelons le Dieu pourvoyeur à venir pourvoir à tous les besoins de cette femme et ses enfants et sa maison. Tu es Dieu. Nous te rendons grâce et nous t'exaltons et nous te magnifions. C'est encore toi, Seigneur, qui peux faire encore de grandes choses dans la vie de cette femme dont le mari est parti. Père, notre prière ce matin, que tu touches cet homme, que tu touches cet homme, que tu étends ta main et que cet homme revienne pour reprendre son foyer. Que le premier amour pour son épouse revienne dans son cœur et que papa, cet homme se décide à revenir pour la gloire de ton nom. Merci pour cette femme aussi qui revient dans son foyer. Merci pour l'harmonie des foyers. Guéris les cœurs brisés. Touche la vie. Transforme la vie. Béni sois-tu pour ton amour sans fin. Dans le nom de Jésus-Christ, car tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous enseigner pendant des moments difficiles. Nous avons vu que c'est pendant les temps d'épreuve que Dieu nous enseigne. Il nous fait passer par son école. Prions pour tous ceux qui passent par des moments d'épreuve afin qu'ils puissent cerner la leçon que Dieu veut leur apprendre. Afin qu'ils puissent dire comme Joseph, « Je sais que vous avez mérité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi, ô Père éternel, et nous élevons ton Saint-Nom. Nous savons, Père, que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous prions ce matin, Père, pour tous ceux qui passent par des moments de difficulté, pour tous ceux qui souffrent, ô Père éternel, que pendant cette période d'incertitude, pendant cette période d'endurance, pendant cette période de souffrance, tu leur enseignes tes voies. Que Père éternel, tu interviennes dans leur vie, tu leur montres le chemin qu'ils doivent suivre. Cette période d'incertitude, c'est une période de réception également. Nous saisissons cette opportunité pour te demander au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu les encourages. Par ton Esprit Saint, tu les conduises dans le sentier de la justice. Tu te révèles véritablement à eux et qu'ils reçoivent des enseignements de ta part. Tu as dit dans ta parole, « Je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous et qui vous enseignera toutes choses. » Père, fais en sorte que ton Esprit Saint enseigne ta parole, enseigne tes voies, enseigne ta sagesse, enseigne tes connaissances à ceux qui souffrent, à ceux qui endurent en ce moment, à ceux qui traversent des moments d'incertitude. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils puissent découvrir qui est véritablement Dieu. Révèle-toi à eux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Père, parce que nous avons mis notre foi et notre espérance en toi pour les ossements de nos prières. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain, toujours à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.